toutes les couleurs sont mes sentiments. Je passe du noir au blanc, du bleu azur au rouge sang. Mon gars pousse un fauteuil roulant, rend heureux sa sœur qui a pas eu sa chance. Ça renforce les liens comme à l'époque, où avec mon frère je partageais ma chambre. Y'aura toujours quelqu'un pour te faire une critique. Désolé si les huissiers de visite, or peint le destin couleur or. Avec autant de passion que d'acrylique, l'argent c'est juste un moyen, parce que mes rêves n'ont pas de prix. Fou, on était fiers dans la nuit, quand on avait rien. Même pas la lune avec nous, on comptait tout en grec à 5 euros. Tout le monde sauf nous avait plein de défauts. Appartement sans jardin, on remonte quand ton père t'appelle et tu sens que c'est chaud. Beaucoup d'amis sont perdus mais c'est relatif. On peut vite se refaire, combien même c'est fini, lycée, bar de quartier, billard, sirop de grenadine. De toutes les couleurs sont mes sentiments. Quand je suis avec elle, la vie est enivrante. Je suis qu'un flocon de neige dans une ville immense. Et j'hésite encore. Sentiments de toutes les couleurs. Toutes les nuits, je suis dans mes souvenirs. Je rentrais sous la pluie sur mon scooter. Je me suis construit dans la douleur. Frité comme un terre, solitaire sous la verre. Rouge, blanc, violet, vert. De toutes les couleurs sont mes sentiments. À l'inverse de nos halls et nos bâtiments. Si le décor est terre, moi je suis bien vivant. Ouais, je t'ai dit que c'est fini, mais sois pas triste, non. Je me considère pas comme un gosse de la patrie. Il suffit d'un appel, je peux partir. Je te l'ai déjà dit, ouais, je suis bien vivant. Le cœur qui bat plus fort que la batterie. Je suis un pur produit de mon environnement. Pas de potes qui mènent leur vie en traînant de la patte. On était posés, contrôlant, rigolant. Jusqu'aux insultes racistes sans raison de la PAC. Avance aux 80 où tout est possible tant que tu payes ton appart. Facile de perdre le nord quand la weed c'est de la frappe. Quand les impôts te rattrapent, t'enchaînes les coups de sang et les sauts d'humeur. Bouffe solo devant les conneries d'un youtubeur. Souvent jugé par les autres, même les plus débiles se prennent pour des procureurs. De toutes les couleurs sont mes sentiments. Le cœur est fluide comme un terre. Quand je suis avec elle, la vie est enivrante. Je suis qu'un flocon de neige dans une ville immense. Rouge, blanc, et j'hésite encore. Sentiments de toutes les couleurs. Toutes les nuits, je suis dans mes souvenirs. Je rentrais sous la pluie sur mon scooter. Je me suis construit dans la douleur. Le cœur est frité comme un terre, solitaire sous la verre.